sont belles et tristes comme les religions. Est-il possible qu'elle soit l'ultime solution? Y a les droits de l'homme, les gouches de ma femme, les guerres de chromosomes et tout ce qui m'entame. Il faut nous satisfaire de déchets de bonheur quand le calvaire est intérieur. Quelle est l'illusion qui fait tourner ce monde? C'est le muscle magique. C'est le muscle magique. Quelle est l'illusion qui fait tourner ce monde? C'est le muscle magique. C'est le muscle magique. Chaque jour, la couche d'ozone diminue au-dessus de nos têtes. La couche de conneries augmente, c'est bête. La première nous protège des puissances solaires. La seconde nous expose à la bêtise planétaire. Nos combats douteux, le pouvoir qu'on veut, ce besoin vital de contention mentale. Pour s'évader de nos paradis figés, la question restera posée. Quelle est l'illusion qui fait tourner ce monde? C'est le muscle magique. C'est le muscle magique. Quelle est l'illusion qui fait tourner ce monde? C'est le muscle magique. C'est le muscle magique. Toutes les XX et tous les XY écrasés par un amour qui n'ose plus dire son nom. Toutes les XX, tous les XY. Quelle est l'idée?